Thank you. Que faisons-nous? Avons-nous autant d'hommes pour nous défendre? Défendre nos terres? Même JP est parti. We'll be right back.

Thank you. Thank you.